Perfect. Perfect. Perfect. En tout cas, ça fait plaisir de see you all, quoi. En tout cas, ça fait plaisir de see you all, quoi. En tout cas, ça fait plaisir de see you all. On est vraiment obligé de sortir? Ils sont pas un peu weirds, les gens autour, non? On est vraiment obligé de sortir? Ils sont pas un peu weirds, les gens autour, non? On est vraiment obligé de sortir? Ils sont pas un peu weirds, les gens autour, non? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? La coopérativa? La coopérativa? La coopérativa? Non, t'as raison, c'est Yardoui. Chelou en anglais. Enfin, je crois. Non, t'as raison, c'est Yardoui. Chelou en anglais, enfin je crois. Non, non, t'as raison, c'est Yerd. Chelou en anglais, enfin je crois. Templo expiatorio. Templo expiatorio. Templo expiatorio. Génial. Hola. Génial. Hola. Génial. Hola. Bon, écoute Fall, faut qu'on se pique là. Bon, écoute Fall, faut qu'on se pique là. Bon, écoute Fall, faut qu'on se pique là. Ben écoute, je sais pas, c'est... C'est vraiment scary, quoi. Les autres, aidez-moi, là. Ben, écoute, je sais pas, c'est... C'est vraiment scary, quoi. C'est... Les autres, aidez-moi, là. Ben, écoute, je sais pas, c'est vraiment scary, quoi. Les autres, aidez-moi. Aidez-moi, là. On l'a complètement carbonisé avec nos histoires. On l'a complètement carbonisé avec nos histoires. On l'a complètement carbonisé avec nos histoires. Et j'avoue. J'avoue. J'avoue. Ah. Ah. Les amis, c'est le moment dans les films d'horreur où je dis aux protagonistes de se barrer en deux spies. Les amis, c'est le moment dans les films d'horreur où je dis aux protagonistes de se barrer en deux spies. Les amis, c'est le moment dans les films d'horreur où je dis aux protagonistes de se barrer en deux spies. Zicré. Zicré. Zikré. Gru. Gru. Gru. On leur dit. On leur dit. On leur dit. Ben voilà. On voudrait que. Ben voilà, on voudrait que. Ben voilà, on voudrait que. Voilà, enfin si ça vous va quoi. Voilà, enfin si ça vous va quoi. Voilà, enfin si ça vous va quoi. À la base, tout ce qu'on voulait, c'était faire de la saga MP3. On n'aurait jamais imaginé que la saga MP3 est un sport de combat. À la base, tout ce qu'on voulait, c'était faire de la saga MP3. On n'aurait jamais imaginé que la saga MP3 est un sport de combat. À la base, tout ce qu'on voulait, c'était faire de la saga MP3. On n'aurait jamais imaginé que la saga MP3 est un sport de combat. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Bien sûr, quoi. Bien sûr, quoi. Bien sûr, quoi. Voilà, on va essayer. Bisous, Johnny. Voilà, on va essayer. Bisous, Johnny. Voilà, on va essayer. Bisous, Johnny. Ouais, le Brexit, c'est un peu crazy-crazy aussi, hein. Ouais, le Brexit, c'est un peu crazy-crazy aussi. Ouais, le Brexit, c'est un peu crazy-crazy aussi. Ouais, à dimanche. Ouais, à dimanche. Ouais, ouais. À dimanche.